Oui, souviens-tu, c'était hier. Ce sera bientôt après-demain. Après la guerre. Notre rencontre au cinéma, tu ressemblais à l'héroïne. J'étais James Dean. Aime-moi. Yeah.